Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, retour en effet sur l'histoire des 35 heures. Il y a quelques semaines en Allemagne, le syndicat allemand IG Metall réclamait le passage à la semaine de 28 heures. Une fois n'est pas coutume, c'est de l'autre côté du Rhin que la question du temps de travail s'invite dans l'actualité. Hasard ou non, ici, en France, on célèbre le 20e anniversaire de cette loi sur les 35 heures. Mesure phare du gouvernement Jospin, marqueur historique de la gauche, les lois Aubry, votées en 1998 et en 2000, constituent une rupture dans l'histoire sociale et politique française. Conquête sociale majeure pour les uns, erreur économique magistrale pour les autres, les 35 heures furent au centre d'un intense débat national, elles le sont encore. Si cette loi déchaîne autant les passions, c'est aussi parce qu'elle ne concerne pas seulement le travail. Non, elle engage un nouveau rapport au temps, rythme de vie, organisation sociale, loisirs, santé, famille. Sur toutes ces questions, nous reviendrons en seconde partie d'émission avec notre invité, le sociologue Jean-Yves Boulin, chercheur associé à l'Institut de recherche interdisciplinaire en sciences sociales, l'IRISSO, à l'Université Paris-Dauphine, et auteur de l'ouvrage intitulé « Les batailles du dimanche » qui vient de paraître aux éditions Presse universitaire de France. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Simon Mézonobe, coordination Christophe Barrère, réalisation David Jacoboviez, Jérôme Chelius et Coyenne Guyenne. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Il est 20h, estimation BBA, résultat. Parti socialiste 274 sièges, parti communiste 36, divers gauche 16, la majorité change de camp, la majorité est à nouveau à gauche avec 334 sièges. 1er juin 1997, 20h, les résultats des législatives tombent. À l'Assemblée nationale, le pouvoir change de camp. La gauche plurielle, qui réunit le Parti socialiste, les radicaux de gauche, le Parti communiste et les Verts, obtient la majorité absolue. À la faveur d'une dissolution incongrue, le jour où Jacques Chirac s'est tiré une balle dans le pied, la gauche revient en commande. Lionel Jospin, le candidat malheureux mais valeureux de 1995, devient Premier ministre, la troisième cohabitation débute. Mais depuis l'arrivée de Jacques Chirac à l'Élysée en 1995, la situation économique n'a cessé de se dégrader. Le chômage atteint des records, plus de 3 200 000 demandeurs d'emploi en 1997. Pourtant, la droite a tout essayé, jusqu'à marcher sur les plates-bandes historiques de la gauche. En 1996, Gilles de Robien, député UDF allié à la majorité, fait voter une loi qui surprend les observateurs. Il en explique les contours au micro de France Inter le 20 juillet 1996. Alors, la loi nouvelle propose quoi ? Tout simplement, pour la première fois, on exonère la totalité des charges sociales d'une entreprise contre véritablement une contrepartie. Cette contrepartie, c'est la baisse du temps de travail individuel des salariés, pas de l'entreprise, des salariés. Et en même temps, la contrepartie, c'est la création d'emplois nouveaux pour compenser la baisse du temps de travail. C'est du gagnant, gagnant, gagnant. Gagnant pour les salariés parce qu'ils verront leur temps de travail baisser, gagnant pour l'entreprise parce que les charges sociales baisseront, et gagnant pour, j'allais dire, la collectivité nationale, pour l'État, parce que les chômeurs seront embauchés puisqu'il y a baisse du temps de travail individuel dans l'entreprise. Comment ça, une loi qui propose de diminuer le temps de travail pour augmenter le nombre d'emplois, une idée du centre ? La gauche n'en revient pas. C'est elle qui, depuis plus d'un siècle, mène ce combat. La revendication des 8 heures quotidiennes en 1864, c'est le Parti ouvrier de Jules Guesde qui l'a popularisé. En 1936, c'est le Front populaire qui instaure la semaine de 40 heures et les congés payés. En 1981, c'est le président socialiste François Mitterrand qui met en place les 39 heures et le ministère du temps libre. Et voilà qu'en 1996, la droite, avec Gilles de Robien, puise dans le logiciel de la gauche et relance le débat, on y perd son latin. Il faut dire que depuis une trentaine d'années, l'idée a fait son chemin. La réflexion s'est déplacée. À l'origine, la diminution du temps de travail est surtout revendiquée pour améliorer les conditions des salariés. Et puis, petit à petit, face à la crise économique persistante, réduire ce temps de travail est devenu le possible remède au chômage. Selon un raisonnement initial assez simple finalement, autour d'un slogan tout trouvé, « Travaillez moins pour travailler tous ». Alors, en 1997, quand commence la courte campagne des législatives, le Parti socialiste et ses alliés inscrivent cette question au cœur de leur programme. et ils promettent d'aller plus loin que la mesure de Gilles Robien. Fini le volontariat, le cas par cas, la loi fixera dans le marbre la durée de travail légale à 35 heures pour tous les secteurs de l'économie. La gauche plurielle vient de trouver son point de ralliement, la pierre angulaire de son programme, inscrite dans le petit livret vert intitulé « Changer l'avenir ». Alors, quand elle remporte les élections, le 1er juin 1997, tous connaissent d'avance le chantier prioritaire, les 35 heures. Quelle sera la réaction de la droite, des syndicats et du patronat ? octobre 1997, Paris. À Matignon, c'est l'effervescence. Aujourd'hui s'ouvre la grande conférence sur l'emploi promise par le gouvernement socialiste. Dans la cour, la foule de journalistes tend micros et caméras. Un par un, les protagonistes de cette journée entrent. Ils rejoignent la salle de réunion, celle-là même où en 1936, les membres du Front populaire et les principaux syndicats s'étaient réunis pour la signature des accords de Matignon, prélude aux lois sur la semaine de 40 heures et sur les congés payés. 60 ans plus tard, Louis Vianney pour la CGT, Marc Blondel pour FO, Nicole Nota pour la CFDT sont assis en face de Jean Gandois, le président du CNPF, syndicat des patrons. Parmi eux, Lionel Jospin est entouré de deux ministres. Martine Aubry, ministre du Travail, qui portera la loi, et Dominique Strauss-Kahn, ministre des Finances, qui en a eu l'idée. Après 9 heures de discussion, le Premier ministre annonce officiellement à Jean Gandois que le gouvernement s'apprête à faire voter une loi sur les 35 heures. À la sortie de la conférence, se sentant pris au piège, le président du CNPF ne cache pas sa colère sur le perron de Matignon. Nous avons perdu complètement une bataille. En effet, l'idéologie a triomphé de la raison. Malgré tous les avertissements que nous avons donnés, malgré la manière, je crois, raisonnable et sérieuse dont nous avons cherché à faire ce qu'il fallait pour que les entreprises de ce pays vivent, la décision de l'horaire légal hebdomadaire de 35 heures avant le 1er janvier 2000 a été prise par le Premier ministre. Nous avons été bernés tout au long de la journée. Il va sans dire que nous avons perdu une bataille, mais que nous n'avons pas perdu la guerre. Nous allons nous battre jusqu'au bout contre une mesure qui est très mauvaise pour l'emploi, qui va créer beaucoup de chômage, qui est très mauvaise pour l'Europe et pour l'euro, il sera très difficile à ce pays de faire l'euro avec des décisions de ce genre, et qui est bien entendu très mauvaise pour le dialogue social. La guerre est déclarée. Pour Jean Gandois, représentant du patronat, la nouvelle est dure à avaler. Il était prêt à négocier, encourager la diminution du temps de travail et favoriser l'embauche, pourquoi pas. Mais se faire imposer le principe d'une loi et fixer la durée légale du travail à 35 heures pour toutes les entreprises de France, non, ça décidément, ça ne passe pas. Le gouvernement, lui, a réussi son coup. Jean Gandois est isolé. Et l'ensemble des syndicats de travailleurs sortent, eux, satisfaits et en harmonie avec le Premier ministre, détenteur du vrai pouvoir, puisque la France, à cette époque-là, est en cohabitation. Le coup de poker de Lionel Jospin a fonctionné. Il réaffirme le primat du politique sur la sphère économique. Autre temps, autre mœurs. Et Lionel Jospin le rappelle à l'Assemblée nationale, le 14 octobre 1997. J'ai dit que nous avions cette perspective des 35 heures dans la campagne présidentielle de 1995. Nous avons repris ces affirmations dans notre programme législatif et dans nos discussions avec nos partenaires pendant la campagne législative de 1997. Je l'ai redit dans ma déclaration politique générale. Il faut s'habituer à ce que sur des points essentiels, ce gouvernement tienne ses engagements devant le peuple français. De ce fait, personne ne peut se dire surpris et encore moins berné. Mesdames et messieurs, il vous est arrivé de mener campagne sur un slogan qui avait intéressé le peuple et qui était la lutte contre la fracture sociale. Vous avez abandonné ce slogan, vous avez été sanctionné pour cela. Si je dois un jour être sanctionné par le peuple, je préfère que ce soit sur ma politique que sur l'abandon de ma politique. Au cœur de cette politique, justement, il y a l'emploi. Autour de deux propositions fortes, une loi sur les 35 heures, on l'a dit, et une sur les emplois jeunes. Pour les 35 heures, le gouvernement veut à tout prix éviter les erreurs de la précédente tentative socialiste. En 1982 déjà, François Mitterrand et son premier ministre, Pierre Mauroy, souhaitaient mettre en place cette réforme. Les négociations interprofessionnelles ayant échoué, il s'était contenté des 39 heures. Une initiative qui d'ailleurs n'avait pas créé d'emploi. D'où peut-être cet aveu de François Mitterrand plus tard concernant le chômage. Nous avons pourtant tout essayé. Pour éviter ces errements, le gouvernement de Jospin propose un dispositif législatif original. Non pas une, mais deux lois. Une première établit un principe, la réduction du temps de travail généralisée sur la base légale de 35 heures. Elle devient l'élément moteur du processus. Puis, à l'issue de ce premier vote, s'ouvrira une période de négociation, branche par branche, au cas par cas, entreprise par entreprise. Une seconde loi fera la synthèse de ces discussions, ajustera les modalités particulières pour les cadres, par exemple, ou encore les heures supplémentaires, et actera le principe des 35 heures. Cette méthode permet de remplir deux objectifs. Le législateur fixe une ligne directrice et oblige ainsi patronat et syndicats à se mettre autour de la table. Cette méthode, pourtant classique, ça s'appelle le dialogue social, choque l'opposition et les patrons. Trois jours après la conférence nationale sur l'emploi, Jean Grandois rend les armes. Je suis plutôt un négociateur qu'un tueur. Je ne pense pas avoir le profil, étant donné mon goût pour l'ouverture et le dialogue, avoir le profil qui va être nécessaire dans ce pays pour défendre les entreprises au cours des prochains mois et peut-être des prochaines années. J'en ai donc tiré les conséquences. C'est la première fois dans l'histoire du CNPF, créée au sortir de la Seconde Guerre mondiale, qu'un président démissionne. À mesure historique, décision historique. Le dialogue entre le patronat et le gouvernement est définitivement rompu. Ce dernier doit se remobiliser pour mener son combat. 16 décembre 1997, Paris. Au CNPF, c'est jour d'élection. Le syndicat des patrons vient de nommer son nouveau président. Il s'agit d'Ernest Antoine Sellière. Celui que l'on surnomme le baron, héritier du groupe industriel Wendel, mène depuis plusieurs semaines une campagne de terrain ciblée contre la loi. Hasard ou coïncidence, cet ancien élève de l'ENA était un camarade de Lionel Jospin dans la prestigieuse école. Les deux hommes se sont ensuite retrouvés dans le même bureau au Quai d'Orsay pendant plusieurs années. L'un choisit le monde de l'entreprise, l'autre celui de la politique, et les deux compagnons de route se retrouvent aujourd'hui adversaires. À peine nommé, Sellière est invité sur les plateaux de télé. Les journalistes n'ont qu'une question en préambule, est-ce qu'il est le tueur qu'annonçait Jean Grandois et que recherchait le CNPF ? Écoutez, je n'ai jamais été autre chose qu'un tueur de chômage, si possible, tueur d'illusions, tueur de fausses idées, mais le président du CNPF n'a qu'une petite épée de bois, il n'est vraiment pas dangereux, son seul pouvoir est un pouvoir d'expression. Alors, le gouvernement fait actuellement des offres de discussion sur les 35 heures par semaine, maintenant que vous êtes élu toujours, est-ce que vous allez changer d'attitude par rapport à cette loi ou continuer la guérilla, voire plus ? Non, je n'ai pas d'ailleurs entendu d'offres de discussion de la part du gouvernement, et nous ne changeons pas. Nous considérons discussion sur les conditions d'application, etc. Nous considérons que cette loi est actuellement une erreur économique, qu'elle compromet gravement le développement et voire la survie de nombreuses entreprises. J'ai fait une campagne sur le terrain qui a été assez profonde. Je me suis bien rendu compte, vous savez, que pour des milliers et des milliers d'entreprises, notamment les petites et les moyennes, cette affaire s'annonce comme une véritable catastrophe et donc nous allons le dire et essayer de faire témoigner les petites et moyennes entreprises de façon à ce que l'opinion se rende compte que c'est une très mauvaise affaire pour l'économie française. Le débat autour des 35 heures prend des allures d'affrontement social traditionnel. Le CNPF défend la liberté d'entreprendre et le moins d'État, pendant que le gouvernement socialiste choisit l'interventionnisme et la force de la loi pour accélérer les choses dans le débat classique droite-gauche si fertile. Les grandes choses de ce monde ne procèdent-elles pas d'un affrontement binaire ? En tant que ministre du Travail, c'est Martine Aubry qui se charge de mener la loi à bon port. La fille de Jacques Delors, tout juste élue députée pour la première fois dans la région du Nord, connaît bien le monde de l'entreprise. Elle a occupé un poste important au sein de Péchiney. En revanche, sur la loi, sa position est délicate. En 1991, déjà ministre du Travail, elle avait émis des réserves sur la généralisation des 35 heures. Mais cette fois, il en va de la réussite du gouvernement et surtout de l'alliance de la gauche plurielle. Alors elle part, elle aussi, en campagne. Elle prend à témoin les entreprises passées aux 35 heures avec la loi Robien. Elle organise des conférences, rassure les entrepreneurs, leur garantit la souplesse du dispositif. Dans sa campagne, Martine Aubry est soutenue par le Premier ministre, car ce projet de loi sensible, une affaire sensible, hautement politique, devient le premier test de la nouvelle cohabitation. À droite, on attend la position du chef de l'État. Elle est délicate, elle aussi, puisqu'un an auparavant, Jacques Chirac avait soutenu la loi Robien. Il est donc plutôt favorable au principe de réduction du temps de travail pour combattre le chômage. En fait, c'est à la méthode qu'il s'oppose. Au cours d'un sommet européen où les deux hommes sont présents, il répond à une question d'un journaliste sur le projet de loi de son premier ministre. Le président ironise. Il n'est pas très favorable aux expérimentations hasardeuses, dit-il. L'expression fait mouche. Lionel Jospin, lui, garde le silence, mais se crispe. On voit qu'il avale une belle couleuvre. Il y en aura d'autres. Quelques jours plus tard, au congrès socialiste de Brest, Lionel Jospin répond à Jacques Chirac. Alors je voudrais dire, d'abord que s'il s'agit d'emploi des 35 heures ou des emplois jeunes, il ne s'agit pas là d'expérimentations hasardeuses, mais de prises de risques fructueuses. Ceux qui en bénéficieront le savent, et les Français le savent aussi. Et puis j'ajouterai que les expérimentations hasardeuses n'existent pas qu'en économie. Il arrive parfois qu'elles se produisent en politique. Il me souvient d'une expérimentation hasardeuse qui a débuté le 21 avril 1997. En matière électorale, à propos d'une dissolution. Quand le mirage s'est dissipé, le 1er juin suivant, nous avons trouvé une majorité de gauche à l'Assemblée nationale. Comme quoi, le hasard fait parfois bien les choses. Quant aux expérimentateurs, ils ne sont pas forcément là où on les croit. Premier pic d'une bataille politique qui s'ouvrira sur les bancs de l'Assemblée au début de l'année 1998. Aucun express ne m'emmènera vers la félicité. Aucun taco ni un costora. Aucun concorde n'aura ton envergure. Aucun navire n'y va, sinon toi. Aucun trolley ne me tiendra si haut perché. Aucun vapeur ne me fera fondre. Des escalators aux chariots ailés, j'ai tout essayé. J'ai tout essayé. J'ai longé ton corps, épousé ses méandres. Je me suis emporté, transporté par-delà des abysses, par-dessus les vergers. Délaissant les grands axes, j'ai pris la contre-allée. Je me suis emporté, transporté. Sera bouche bée. Aucun valala ne vaut le détour. Aucun astronef ne s'y attarde. Aucun navire n'y va, sinon toi. J'ai longé ton corps, épousé ses méandres. Je me suis emporté, transporté par-delà les abysses, par-dessus les vergers. Délaissant les grands axes, j'ai pris la contre-allée. Je me suis emporté, transporté. « 27 janvier 1998, Paris, des chômeurs manifestent. Depuis quelques mois, réunis autour de l'association Assez pour agir contre le chômage, des demandeurs d'emploi soutenus par des salariés et des syndicats se sont lancés dans une série de manifestations. À coups d'actions médiatiques, comme l'occupation de bâtiments symboliques ou le rassemblement à travers toute la France, le mouvement a reçu le soutien de l'opinion publique. Et ce 27 janvier 1998, ce n'est pas un hasard si la manifestation se fait entendre. Dans le cortège, les participants n'ont qu'un mot d'ordre, la loi sur les 35 heures. Le même jour, à l'Assemblée nationale, la ministre du Travail, Martine Aubry, monte à la tribune. Elle ouvre les débats de son projet de loi d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail. Elle commence à parler de l'héritage des luttes ouvrières, du Front populaire. Puis elle expose les deux objectifs de sa loi, le progrès social et la lutte contre le chômage. Le ton est parfois incertain, elle bute sur quelques mots, signes tangibles du climat houleux qui accompagne la réforme. Cette loi définit une grande ambition. Il est normal que les chefs d'entreprise, les salariés, les syndicats se posent des questions et que même certains s'interrogent. Je l'ai dit et je le redis. Réduire fortement la durée du travail va modifier l'organisation du travail, va bouleverser certaines habitudes, va nécessiter des changements profonds. On ne fait pas cela sans difficulté, c'est bien normal, et sans se poser les questions. C'est parce que nous sommes face à une ambition très forte et à un sujet aussi complexe que celui du temps que nous devons tenter d'éclairer au mieux les acteurs concernés. Je souhaite qu'à l'instar du travail réalisé en commission, nous entamions un réel débat, faisant le point de nos convergences et de nos différences. La démocratie y gagnera, et j'en suis sûre, notre volonté commune, car je crois qu'elle est commune, de réduire le chômage. Commence alors le temps des discussions parlementaires. À gauche, on joue la carte de la pédagogie. On explique le fonctionnement de la loi, son organisation, ses grands principes. Pour compenser le coût que représente la réduction du temps de travail pour les entreprises, le gouvernement prévoit des aides. Allègement des cotisations sociales, soutien financier, le but est clair. Il faut inciter les entreprises à embaucher. Dans le même temps, on leur fixe une date butoir. Toutes devront passer aux 35 heures le 1er janvier 2000 pour celles qui comptent plus de 20 salariés, 2 ans plus tard pour les autres. La carotte et le bâton, en somme. Et puis aux salariés, on demande d'accepter un gel des salaires en échange d'une réduction du temps de travail. On fait appel à la solidarité nationale. À droite, les députés dénoncent une loi archaïque, une folie. Imposer, généraliser une durée légale du travail, c'est faire fi des particularités de chaque secteur, de chaque entreprise. Les députés de l'opposition brandissent aussi le risque de la délocalisation, de la baisse de la compétitivité à l'échelle mondiale et de l'isolement au niveau européen au moment même où la communauté prépare l'entrée dans l'euro. Ce sont Pierre Lelouch et Roselyne Bachelot qui mènent la bataille pour la droite. La députée du Maine-et-Loire n'hésite pas à dénoncer ce qui lui apparaît comme de fausses promesses, toutes les fausses promesses de la loi. On nous promet 100 000, 200 000, 400 000, 1 million d'emplois créés, et on trompe les Français, et en particulier les salariés, en omettant de leur dire que ces mirifiques promesses sont liées à une perte de pouvoir d'achat et à une réorganisation du travail qui porte un nom, la flexibilité. Pour lutter contre une loi, à droite comme à gauche, on sait s'y prendre en France. Alors c'est le début de la valse des amendements, une vraie bataille de tranchées. Pas moins de 1769 amendements sont émis par les députés du RPR et de l'UDF. Leur stratégie est simple, la gauche veut généraliser les 35 heures, et bien proposons une batterie de mesures qui met cette volonté en porte-à-faux. Exemple, l'article 1 impose les 35 heures à toutes les entreprises. Eh bien la droite propose un amendement qui exclut les entreprises du bâtiment, du dispositif, puis un autre qui exclut le secteur agroalimentaire, et ainsi de suite jusqu'à vider le texte de sa substance. Puis c'est la ministre qui est ciblée. L'opposition dénonce son ignorance du monde de l'entreprise, la fuble du surnom de Madame Guillotine des 35 heures. C'est bien connu, sur le terrain économique, pendant que la gauche rêve, la droite rappelle tout le monde au réalisme, un sophisme qui aujourd'hui encore fait recette. Jusqu'au bout, l'opposition essaie de bloquer le vote, mais finalement, après 62 heures de débat et une nuit blanche forcément agitée, le jour du vote arrive. Voici le résultat du scrutin. Pour 316, contre 254, le projet de loi d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail est adopté. Le 10 février, l'Assemblée nationale adopte donc la première loi Aubry. Après la traditionnelle navette au Sénat, un recours demandé au Conseil constitutionnel par la droite, le texte est adopté définitivement le 19 mai 1998. Martine Aubry, émue, déclare « Cette date marque une nouvelle conquête pour les salariés et pour la société tout entière ». Mais remporter une bataille n'est pas gagner la guerre. Pour preuve, la période de négociation qui s'ouvre avant la seconde loi sera encore plus dure et surtout enterrera les ambitions de la loi des 35 heures. 4 octobre 1999, Paris, Palais des Congrès, Porte de Versailles. Le CNPF ouvre son dernier meeting. La salle est surchauffée, plus de 25 000 patrons et chefs d'entreprise sont réunis. Le syndicat des patrons fait sa mue, adieu le CNPF, place au MEDEF. Les acronymes changent, pas les hommes forts, ni les idées. À l'origine de ce rassemblement, on retrouve le patron des patrons, Ernest-Antoine Sellière. Avec le MEDEF, il souhaite redynamiser le mouvement patronal. Les lois Aubry lui offrent une tribune et un objectif. Dans tous les secteurs, la mobilisation des patrons est très forte. Les slogans fleurissent sur les t-shirts et dans la foule, 35 heures, 35 l'heure. Tout le monde ne chausse pas du 35. À la tribune, Ernest-Antoine Sellière s'attaque directement à Martine Aubry. Qui assure la place de la France en Europe et dans le monde ? Madame Aubry, vous nous ignorez depuis que vous avez pris vos fonctions, vous avez tort. Vous pensez que nous ne comptons pas ? Eh bien, venez nous compter aujourd'hui ici. Vous avez cru nous diviser ? Voyez notre unité. Vous avez voulu distinguer les bons élèves des prétendus mauvais. Voyez notre unanimité. Reconnaissez l'échec de votre première loi qui a tiré à peine 1% des entreprises. Votre loi, tout le monde le sait, est une erreur. De son côté, la ministre du Travail reprend son bâton de pèlerin. La condition de la réussite à la fois économique et politique de la loi repose sur la signature d'un nombre significatif d'accords avant le second vote. Les Français sont interrogés, l'opinion publique suit le gouvernement. Les salariés des entreprises passées aux 35 ou 32 heures avec la loi Robien témoignent. Ils disent le gain de temps, l'accès aux loisirs, le nouvel équilibre entre temps de travail, de repos et activités bénévoles. Les syndicats et les salariés s'intéressent à l'organisation du travail au sein de l'entreprise. Un dialogue est renoué, les échanges sont nombreux. La télévision réalise des reportages au sein de parcs de loisirs, par exemple, ou des entreprises pour sonder cette France qui change de rythme. Face à ce retour positif, tous les mois, Martine Aubry convoque la presse. En grande pompe, elle brandit le nombre d'accords signés. Sur les plateaux de télé, à la radio, elle montre sa détermination. 8% d'emplois créés dans les accords signés. Voilà ce que c'est la durée du travail. Donc je sais qu'on préférerait en France pouvoir opposer ceux qui perdent et ceux qui gagnent. Et si pour la première fois, tout le monde gagnait, que les entreprises étaient plus compétitives demain, que les salariés travaillaient mieux et vivaient mieux, et que les chômeurs soient moins nombreux. Eh bien c'est ça le pari des 35 heures. Et ce pari, je le dis comme je le pense, il est en train de devenir réalité. En octobre 1999, les débats reprennent à l'Assemblée et les difficultés s'accumulent. Petit à petit, le gouvernement cède sur plusieurs points essentiels et peu à peu, la loi se vide de son sens initial. Premier grand chantier, le temps de travail effectif. Le patronat se joue des temps de pause, des heures supplémentaires, si bien que les 35 heures se déguisent parfois en 36 ou 37 heures. Deuxième grande reddition, l'article 4 de la loi qui ouvre la possibilité aux entreprises d'annualiser le temps de travail. La droite et le patronat en rêvaient depuis des années, c'est la gauche qui le fait. Enfin, en contrepartie d'un allègement des cotisations sociales, la loi ne prévoit aucune contrainte en termes d'embauche. Au final, annualisation, travail effectif, absence de contraintes, la députée RPR Roselyne Bachelot en vient à dire que si c'était la droite qui a eu d'un coup donné autant d'avantages et de flexibilité aux entreprises, toute la gauche aurait été dans la rue. Prélude au glissement social-démocrate, voire social-libéral des socialistes français, des socialistes d'aujourd'hui. Et ce qui devait arriver arrive, au sein de la gauche plurielle, les tensions commencent, comme l'exprime le député communiste Maxime Grémetz. Dans l'état actuel, ce projet de loi est invotable par le groupe communiste. Parce que nous voulons un bon deuxième projet de loi, nous allons proposer un nombre significatif d'amendements. Je veux simplement souligner aujourd'hui quelques problèmes importants. Le premier, c'est évidemment ce sur quoi s'est réjouie la droite, à savoir qu'enfin on vous a écouté, messieurs et messieurs du MEDEF et de la droite, encore plus de baisses de charges sociales. Prise entre deux feux, Martine Aubry voit aussi les fonctionnaires entrer dans la danse. D'abord pensée pour le privé, la loi n'avait pas prévu de généraliser les 35 heures à toute la fonction publique. Alors les professions hospitalières descendent dans la rue. Dans la précipitation, le gouvernement accorde donc l'élargissement du dispositif à l'ensemble des travailleurs français. À l'issue de ce périlleux exercice d'équilibriste, la seconde loi Aubry est finalement votée le 10 janvier 2000. Après 2 années de débat, les lois Aubry sont définitivement actées. À l'heure des bilans, les économistes s'accordent sur une moyenne de 350 000 emplois créés directement par la réforme. Dernière création d'emplois massive en date, d'ailleurs. Revenue au pouvoir, la droite n'aura de cesse de réformer, détourner, modifier la loi des 35 heures sans pour autant l'abroger, car malgré tout, les Français, bien que très critiques, sont attachés à ce qui est devenu un mode de vie. Le modèle français, résumé en 3 lettres, devenu carte d'identité sociale de ce pays, RTT. Reste la méthode qui a braqué le patronat et les syndicats et qui, au bout du compte, n'a pas instauré harmonieusement l'idée du partage du travail comme solution de sortie de crise. Et pourtant, au cœur d'une crise économique qui semble s'être installée durablement, malgré quelques éclaircies, cette loi des 35 heures, à qui l'on fait si volontiers porter le costume du coupable idéal, est encore en place. Elle aura résisté à l'irrésistible, comme un défi à l'impossible, elle respire encore. Oui, mais pour combien de temps ? Sabor, mentira la que manda, mentira comanda. Mentira, mentira, la mentira. Mentira la tristeza cuando empieza, mentira no se va. Mentira, mentira, la mentira. Mentira no se borra, mentira no se olvida. Mentira, la mentira. Mentira cuando llega, mentira nunca se va. Mentira, mentira la mentira, mentira la verdad. Inter, affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'histoire des 35 heures. Notre invité Jean-Yves Boulin, bonjour. Bonjour. Chercheur associé à l'Institut de recherche interdisciplinaire en sciences sociales, l'IRISSO, c'est à l'Université Paris-Dauphine. Vous êtes l'auteur, avec votre confrère sociologue, donc lui aussi Laurent Lénard, de l'ouvrage intitulé « Les batailles du dimanche » qui vient de paraître aux éditions PUF. Alors, d'emblée, à l'issue de ce récit, il y a une sorte d'ambiguïté. À la fois, les 35 heures, c'est une conquête sociale majeure, un acquis social, et par rapport à son ambition initiale, on a l'impression quand même que la réalité est en deçà de l'ambition. Elle est en deçà parce qu'il y a eu une loi en deux temps, comme ça a été expliqué. Donc d'abord, une loi qui est vraiment articulée la baisse de la réduction du temps de travail avec des créations d'emplois. Et une deuxième loi dans laquelle la contrainte d'emploi, de création d'emploi, était moins forte. C'était plus une incitation qu'une contrainte. Un peu comme d'ailleurs dans la loi Robien, qui laissait les entreprises décider, etc., d'y passer ou pas, quoi, voilà. Sauf que là, tout le monde devait quand même passer à 35 heures. Donc l'effet, il a quand même. Force de loi. Voilà. L'effet, il a été quand même positif, on peut pas le nier, sur la question du hors-travail, on va dire, puisque voilà, il y a plus de temps passé en temps libre, enfin plus de loisirs, plus de temps de loisirs ou de temps libre, plus de temps consacré aux enfants, quand on décrypte un petit peu ça. Et alors, une des choses aussi, un tiers de cette réduction du temps de travail est passé dans les transports. Donc c'est intéressant aussi, dans le fait de se déplacer, etc. Donc là aussi, il y a toute réduction du temps de travail ne se traduit pas par une augmentation de temps libre. Ça a créé des emplois. Combien d'emplois ça a créé, les 35 heures? Parce qu'il y a eu de polémiques aussi autour des chiffres. Évidemment, les opposants disaient, on n'a pas créé d'emplois aussi peu. Et puis, ceux qui soutenaient la loi disaient, regardez. Alors, combien? C'était quand même une étude qui fait référence. Une étude qui a été faite par le ministère du Travail. Alors, on dira, c'est le ministère du Travail, etc. Mais qui a pris un groupe témoin d'entreprises qui n'étaient pas passées aux 35 heures, avec une équivalence en termes de secteur, une équivalence en termes de taille, etc. Et un groupe qui était passé aux 35 heures. Donc c'est comme ça, c'est vraiment une étude scientifique, et qui montre quand même le solde net, c'est 350 000 emplois. Donc c'est pas rien. C'est pas effectivement le million, comme on avait parlé, etc. Mais c'est quand même 350 000 emplois. Et rétrospectivement, là, en entendant cette émission, on pense à ce discours patronal de catastrophisme, en disant ça va créer du chômage, la France pourra pas passer à l'euro, etc. Et on retrouve ce discours en permanence à chaque fois qu'on a évoqué la réduction du temps de travail depuis le 19e siècle. Qu'est-ce que les ouvriers vont faire avec ce temps libre? Ça va être la débauche, etc. Mais même en 2000, un essayiste comme Nicolas Bavret disait, mais les 35 heures, c'est une catastrophe. Les gens, ils vont le temps libre, ils vont passer à boire, ça va être la débauche, etc. On retrouvait ce même discours en 2000. Enfin, c'est effarant, quoi. Et on voit bien que la France allait passer à l'euro, qu'il n'y a pas eu de catastrophe. On avait eu le même discours en 1981, au moment où déjà on annonçait le passage à 35 heures. On s'était arrêté à la première marche d'escalier. On a fait 39. Alors, c'est quand même, il faut le rappeler, finalement, la dernière séquence de création d'emplois majeure en France. Bien sûr. Il y avait une conjonction. On arrivait quand même à cette période-là. On sortait d'une période de crise importante. En 93, la crise avait été très, très importante. C'est pas pour rien que Gilles de Robien, qui était de la droite, en fait, avait fait une loi de partage du travail. Il essayait d'inciter au partage du travail. Et donc, le gouvernement Jospin, lorsqu'il est arrivé, cette idée, c'était à la fois effectivement de donner plus de temps libre, à un moment d'ailleurs où les enquêtes montraient que le temps de travail augmentait. Quand on regarde les enquêtes, il augmentait, il était en accroissement important. Donc effectivement, là, c'est pour ça qu'elles ont été accueillies de façon très positive, parce qu'effectivement, on avait un temps de travail qui augmentait, qui était en augmentation entre 86 et 99. Ça, c'est les enquêtes emploi du temps qui le met bien en évidence. Un peu l'inversion par rapport à l'idée qu'on allait avoir vers une société du loisir avec du masier, etc. D'ailleurs, pardon de vous couper, mais d'ailleurs, j'ai lu une enquête corroborée par une autre qui dit que malgré les 35 heures, la productivité française est l'une des meilleures d'Europe. C'est-à-dire qu'en France, on travaillerait peut-être moins longtemps que nos voisins européens, mais avec plus de productivité. Vous confirmez? Ah oui, alors, ça, de toute façon, le fait qu'on travaille moins longtemps, déjà, c'est à relativiser. Parce que ça, c'est déjà. Déjà, c'est à relativiser, parce que si on prend... En France, on a le principe, c'est de travailler plutôt à temps plein. Donc, on travaille à temps plein. Et quand on travaille à temps partiel, on travaille à un temps partiel qui est plutôt un temps partiel long. Les 28 heures allemandes, c'est notre temps partiel. Temps partiel à nous. Alors que dans d'autres pays, le temps partiel est beaucoup plus court. Si on ajoute les temps partiels et les temps pleins, la durée du travail en France, elle est, enfin, le nombre d'heures prestées est inférieur à celui, est supérieur à celui de l'Allemagne, supérieur à, alors, aux Pays-Bas, à tous les pays scandinaves, etc., à l'Angleterre, y compris à l'Angleterre. Donc, c'est les temps pleins. Ils sont pas à 39, ils sont pas à 35 heures, les temps pleins. Ils sont à 39 heures, plus de 39 heures, entre 39 et 40 heures. Donc, voilà. Alors, d'un côté, sur la productivité, ce qu'a permis, et ce qui était d'ailleurs le principe des 35 heures, hein, il y avait un triple financement. C'était le financement par les salariés, entre autres, par une modération salariale, mais aussi à travers une réorganisation du temps de travail. Et cette réorganisation du temps de travail, elle a été accueillie très, très favorablement par des tas d'entreprises, de pouvoir faire de l'annualisation, de pouvoir faire varier le temps de travail sur le cycle de l'année en fonction du cycle de la production. Ben voilà, ça donne effectivement des capacités. D'ailleurs, c'est le seul aspect un peu négatif et un peu qu'on a surtout ressorti en plus dans la fonction publique, c'est-à-dire le fait qu'il n'y ait pas eu d'emploi, la position d'emploi compensatoire avec la seconde loi fait que les salariés disaient on fait la même chose en moins de temps. Donc du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire très clairement une augmentation de la productivité par tête, hein, ça c'est clair. Très bien, merci pour l'explication. Concernant les 35 heures, finalement, on peut estimer que c'est l'aboutissement d'une réflexion qui est arrivée à maturation, finalement, parce qu'elle n'a pas commencé au moment des 35 heures. C'est-à-dire que on est dans une période de chômage endémique depuis la première crise du pétrole, hein, depuis 73. La loi sur les 35 heures est votée en 98, donc 25 ans après le début de ce chômage qu'on a tant de mal à combattre. Et donc, est-ce que vous confirmez qu'à un moment donné, on s'est dit, il n'y a pas assez de travail pour tout le monde, il faut donc le partager? Est-ce que Robien nous a proposé ça, déjà, lui? Oui, bah, c'était... La roue tourou, également. Oui, alors voilà, en 93, au moment où il y avait quand même une autre crise en 93, hein, c'est-à-dire un chômage qui croissait, et on était dans une crise qui était d'ailleurs, qui touchait pratiquement tous les pays européens. Hein. D'autres pays ont fait des expérimentations et des lois sur la réduction du temps de travail, je pense en particulier au Danemark. Alors peut-être avec d'autres modalités, mais qui étaient tout à fait intéressantes. Non, effectivement, l'idée de la roue tourou, de la semaine de 4 jours, elle émerge en 93. Il y a un article dans Le Monde, avec Rocard, etc. Bon, voilà, il y avait effectivement une dynamique qui disait, mais il faut qu'on partage, qu'on distribue. Moi, j'aime pas trop le terme du partage, parce qu'alors on nous renvoie toujours l'idée d'un gâteau. Non, c'est pas un gâteau, simplement, il y a une distribution très mauvaise du temps de travail. Elle existe aujourd'hui, c'est-à-dire des gens qui travaillent beaucoup d'heures. On n'est pas à 35 heures, les temps pleins sont plutôt à 39-40 heures, et puis il y a des catégories qui travaillent beaucoup plus, qui travaillent 48 heures. Donc, et une autre catégorie, ce sont les chômeurs, ou ceux qui sont en sous-emploi, qui ont soit zéro heure de travail, soit très peu, des temps partiels courts, etc., des petits boulots, des CDD qui se renouvellent de mois en mois, et voilà. Donc effectivement, la distribution, il y a un partage de travail du fait, mais un partage très inégal. Et l'idée derrière, c'est quand même de dire, bah, on va essayer de répartir mieux le travail entre ceux qui ont un emploi et qui pourraient peut-être diminuer leur temps de travail et d'autres qui sont au chômage et qui pourraient rentrer sur le marché du travail. Donc plus qu'une réforme économique, plus qu'une réforme sociale ou politique, c'est une réforme philosophique. Enfin, il y a une philosophie là-dedans. Oui, c'est-à-dire que c'est comment on organise la vie des hommes, la vie des gens. Oui, alors en plus derrière, si vous voulez, ceux qui sont porteurs de la réduction du temps de travail, c'est aussi ceux qui pensent que l'homme, il est peut-être pas un travail. Hein, on sait à quoi ça renvoie, tripalium, la torture, etc. La contrainte. Oui, la contrainte. C'est classé dans les temps contraints, même s'il y a des tas de gens qui s'épanouissent dans leur travail. Il y a des tas de gens qui travaillent aussi par nécessité. Il y a des tas de boulots qui sont, c'est Gabler qui appelle ça des boulots de merde, quoi, hein, des petits boulots, etc. Donc voilà. Donc l'idée, c'est quand même d'augmenter la qualité du travail, d'améliorer la qualité du travail. Ça passe par la question de la durée du travail, bien sûr, mais ça passe aussi par la question des rythmes du travail. De plus en plus aujourd'hui, on voit des gens qui travaillent en horaire atypique, très tôt le matin, très tard le soir, avec des coupures. Bon voilà, ils travaillent du dimanche. Donc voilà, tout un ensemble de formes de travail qui diminue la sociabilité, qui diminue les temps communs, les synchronisations au sein de la famille, et qui sont en train de déliter un peu le corps social. C'est pour ça que, d'un certain point de vue, réduire la durée du travail, c'est une réforme sociétale, et qui renvoie à une philosophie. Alors la philosophie derrière, c'est est-ce que l'homme, finalement, bah, c'était Keynes, mais ça a commencé avec Thomas More, peut-être qu'on pourrait faire la même chose en travaillant 3 ou 4 heures, 3 ou 4 heures par jour. Voilà. Bien, on va, comme souvent, on le fait en France, tourner notre regard vers l'Allemagne. Alors, juste titre ou pas, je ne sais pas. En tout cas, là, en Allemagne, il se passe quelque chose. C'est-à-dire qu'on demande les... Enfin, pas tout le monde, mais la semaine de 28 heures. On va écouter une archive à propos d'une suite de grèves récentes en Allemagne pour décrocher ce jackpot-là des 28 heures. Écoutez. Dès l'aube, les équipes du matin ont débrayé. Augmenter les salaires, baisser le temps de travail. Dans toute l'Allemagne, des centaines d'entreprises sont touchées par ces grèves de 24 heures. Le syndicat IG Metall entend mettre la pression sur le patronat. C'est grâce à nous si les profits augmentent. Nous voulons aussi avoir notre part du gâteau. Leurs revendications n'ont pas changé depuis des mois. Hausse des salaires de 6% et la possibilité de passer à la semaine de 28 heures pendant 2 ans maximum, sans perte de salaire pour les salariés qui ont des personnes à charge. Un jour, mes parents auront peut-être besoin de mon aide et je veux avoir la possibilité de dire à mon employeur « je réduis mon temps de travail pour un temps limité ». De nombreuses entreprises allemandes proposent déjà des horaires aménagés. Baisser le temps de travail, c'est devenu un argument pour recruter alors que la baisse du chômage met les salariés en position de force. Cela nous demande plus d'organisation, mais nous n'avons pas le choix. C'est un moyen de séduire et de conserver le personnel qualifié. Mais ce discours n'est pas la norme chez les chefs d'entreprise. La majorité refuse en bloc les revendications syndicales. Mais côté syndicat, hors de question de baisser la garde. Les grèves doivent durer jusqu'à vendredi, au moins. Êtes-vous surpris de voir les Allemands réclamer cette baisse du temps de travail jusqu'à 28 heures ? Non, pas du tout. Pourquoi ? Ben non, parce que les Allemands, ben historiquement, ils sont passés en tous les cas dans la métallurgie aux 35 heures bien avant nous. Il y a eu une grève alors, du même type, mais qui avait duré 7 semaines en 1984, pour aboutir progressivement aux 35 heures en 1995. Volkswagen, alors ça c'était une démarche d'ailleurs, qui était une démarche aussi là, plutôt sociale et sociétale. C'est-à-dire qui renvoyait à l'idée, je me souviens, les slogans c'était « Samstag mit my Vater », c'est-à-dire « Samedi avec mon père ». « Samedi avec mon père », voilà. C'était aussi cette idée que les pères doivent aussi s'investir dans les soins aux enfants, etc. Qu'ils puissent assumer leur rôle de père, quoi, etc. Mais il y a aussi des expériences de partage du travail en Allemagne. Prenons les cas de Volkswagen en 1993, il passe à 28 heures. Donc le chiffre qui sort pas de n'importe où, il passe à 28 heures pour sauver 30 000 emplois. Là, c'est vraiment du partage du travail. Et puis on retrouve systématiquement assez... il se trouve que il y a eu les réformes Hartz entre-temps, en 2000, qui ont créé des inégalités très fortes sur le marché du travail allemand, avec des gens qui se retrouvent avec des petits emplois, ce qu'on appelle les mini-jobs, etc., des temps partiels très faibles, etc. Là, on est avec IG Metall, donc on est dans quelque chose où c'est la négociation avec les employeurs. On a 4 millions de salariés dans la métallurgie, 2 millions 9 qui sont syndiqués chez IG Metall. On est dans du costaud, quoi, voilà. Et donc, eux, ils n'ont jamais perdu de vue ça. Ils n'ont jamais perdu de vue l'idée de la réduction du temps de travail. Simplement, ce qui est nouveau, là, dans celle-là, c'est donner de la flexibilité aux salariés. C'est-à-dire, jusqu'à présent, l'entreprise a gagné en flexibilité, c'est la flexibilité productive, ce qui s'est développé surtout en France. Eux, ils disent, maintenant, nous, on voudrait aussi de la flexibilité pour le salarié et sur l'ensemble de la vie. C'est deux choses qui me paraissent très importantes. C'est donner de la flexibilité aux salariés et que ce soit... appréhender sur l'ensemble de la vie, c'est-à-dire quand on a des jeunes enfants par exemple, ou quand on a des parents dépendants un peu plus tard, donc pendant la vie active, vraiment on est actif, mais il faut aussi être parent, faut être citoyen, faut avoir des loisirs, etc. On est dans une espèce de phénomène d'accélération du temps, hein, de densification du temps. Voilà, c'est de donner un peu des moments de respiration aux gens qui le choisissent, qui le désirent. Flexibilité, alors chez nous en France, c'est à double signification. C'est flexibilité pour le salariat ou pour le patronat ? Non, c'est plutôt mono chez nous. Hein. C'est quoi ? Jusqu'à présent, c'est plutôt de la flexibilité pour le patronat, pour les entreprises. Voilà. Voilà, c'est ce qui a été depuis 1987, avec les lois Seguin, ça a été ça. C'est-à-dire parce que jusqu'à présent, on donnait la flexibilité contre la réduction du temps de travail. Mais ça s'est arrêté. Et avec les lois Aubry, on est dans un système inverse. On donne d'abord la réduction du temps de travail et on fait de la flexibilité. Donc là, il y a déjà un acquis là, pour eux. Et ensuite, on réorganise le travail dans les entreprises, etc. Alors, le patronat, il ne s'est pas gêné. Hein. On a écrasé les temps de pause, etc. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Mais c'est vrai que jusqu'à présent, en France, compte tenu du rapport de force, c'est vrai que c'est plutôt une flexibilité productive qui s'est mise en place. On va écouter une autre archive, Jean-Yves Boulin. Il s'agit de Benoît Hamon, pendant la campagne de la primaire de la gauche, en 2016. que je propose, c'est un revenu universel d'existence versé à toute personne majeure et d'un montant qui pourrait commencer par être au niveau du RSA socle, puis ensuite être à 750 euros par personne. L'objectif, c'est quoi? C'est d'abord changer notre relation au travail. Nous sommes en train de vivre une révolution numérique, on le voit, dans beaucoup de secteurs. Et je pense que le revenu universel d'existence, c'est équivalent à la création de la sécurité sociale. C'est une nouvelle protection sociale. Le but, c'est quoi? C'est d'abord de reconnaître qu'on peut travailler sans être dans l'emploi. Deuxièmement, ça permet de choisir son temps de travail différemment. Alors, le discours de Benoît Hamon était, on y adhérait ou pas, peu importe, il était intéressant parce que c'était un discours de rupture, vraiment de rupture, peut-être le seul d'ailleurs, de rupture par rapport à tout ce que nous avons vécu. À ce moment-là, oui, dans tous les cas. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il n'a pas été entendu et qu'il s'est soldé par 6% des voix? Qu'est-ce que les Français ne sont pas prêts à entendre ou ne veulent pas entendre concernant le travail? Alors, les Français, ils ont un attachement au travail. Pour les Français, toutes les études le montrent, en particulier ma collègue Dominique Méda a fait beaucoup d'études sur ça, à partir des enquêtes valeurs, où on montre que, qui révèle que, par exemple à l'échelon européen, les Français sont ceux qui sont qui mettent le plus leur travail au pinacle. C'est-à-dire pour eux, c'est une condition de l'épanouissement. C'est une valeur. Voilà, c'est une valeur, c'est une valeur fondamentale pour l'épanouissement, pour l'autonomie, etc. Et d'un autre côté, d'ailleurs, ce qui n'empêche pas, c'est que les Français sont les plus, là aussi au sommet dans la hiérarchie, les plus contestataires par rapport à l'organisation du travail et aux conditions de travail qui sont considérées comme très mauvaises. Donc effectivement, l'idée d'un revenu universel, alors évidemment, il y a eu un... Je pense que Benoît Hamon, effectivement, comme vous le dites, c'est un discours de rupture et c'est un discours qui reviendra, bien évidemment, qui reviendra parce que, on le voit bien, l'automatisation, elle fait en sorte que, non pas le travail se raréfie, mais il va se modifier. Donc, dans un premier temps, les Français, ils ont peut-être un peu eu peur de voir des inégalités se créer entre ceux qui allaient recevoir ce revenu qui, finalement, est un revenu qui n'est pas suffisant, quoi. 750 euros, ça ne suffit pas pour vivre. Et puis d'autres qui continuaient à travailler beaucoup, etc. Et qui, en plus, recevraient, puisque c'est une allocation universelle, ce revenu. Donc, il y a peut-être des phases. Moi, je ne suis pas opposé à l'idée philosophique du revenu universel. J'en ai discuté avec Philippe Van Parijs, etc. C'est une idée qui est intéressante et qui peut-être un jour ça s'imposera. Peut-être Benoît Hamon fait-il partie des gens qui ont tort d'avoir raison trop tôt? C'est possible aussi. Bah, je le pense. Et d'ailleurs, en même temps, Benoît Hamon, il mettait aussi la réduction du temps de travail comme un des éléments importants dans son programme. C'est pour ça qu'on en parle. Absolument. Parce que ça relie au sujet. Alors, je pense que ce qui n'a pas été saisi, c'était l'articulation. Parce que je pense que dans l'esprit de Benoît Hamon, alors je veux pas faire des interprétations trop hâtives, mais moi, en tous les cas, ce que je voyais, c'est que on a un vrai problème. Comment sortir des 35 heures par le haut? Parce que l'idée, on veut les abolir, les 35 heures, mais non, il faut sortir par le haut. C'est quand même d'imaginer, justement, comme à l'allemande, un temps de travail sur l'ensemble de la vie, et pour ça, utiliser des comptes épargne-temps, par exemple. Alors, en radio, on est pour la réduction du temps de parole quand, j'ai compris. Quand la pendule arrive et nous dit que c'est la fin. Donc, une toute dernière question. Alors, ces gens qui travaillent le dimanche, les batailles du dimanche, c'est le titre de votre livre. De quoi nous parlez-vous? Eh ben parce que si qui sont ces travailleurs du dimanche? Eh bien voilà, les travailleurs du dimanche, c'est alors ce qu'on a distingué avec mon collègue Laurent Lénard, qui était très important, c'était de distinguer ceux qui travaillent à leur domicile et ceux qui travaillent à l'extérieur. Parce qu'on souvent dit, bah oui, mais tout le monde travaille le dimanche. Oui, il y en a qui se mettent à leur bureau et qui regardent leur mail le soir pendant un quart d'heure ou une heure, etc. Donc on a pris d'une part la distinction de ce type-là qui avait jamais été faite. Alors du coup, ça réduit ceux pour nous qui travaillent vraiment le dimanche. Et puis l'idée, c'était aussi de voir quel est l'impact du travail du dimanche sur la sociabilité, sur les loisirs, sur la vie sociale des gens qui travaillent le dimanche. Et alors, la conclusion, parce que il est très négatif, l'impact est très négatif pour cela, c'est-à-dire qu'ils perdent en loisirs, ils perdent en sociabilité familiale et parentale en particulier. Et puis ils sont décalés socialement, parce que la majorité des gens... C'est le temps de synchronisation le dimanche. D'accord. Voilà, c'est le temps de synchronisation. Merci infiniment Jean-Yves Boulin, pardon de vous avoir bousculé un petit peu en fin d'émission, mais après l'heure, ce n'est plus l'heure. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'histoire des 35 heures, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Merci à Ludovic Asselot qui était à la technique aujourd'hui.